l'histoire n'est pas une nostalgie, mais c'est un tremplin nécessaire pour l'avenir. Versailles, une histoire naturelle. Les jardins, dont la magnificence étonne, mais dont le léger usage rebute, sont d'aussi mauvais goût. On y conduit dans la fraîcheur de l'ombre que par une vaste zone torride, au bout de laquelle il n'y a plus, où que ce soit, qu'à monter ou à descendre. Et avec la colline qui est fort courte, se terminent les jardins. L'abondance des eaux forcées et ramassées de toutes parts les rend vertes, épaisses, boueuses. Elles répandent une humidité malsaine et sensible. Voyez-vous, la violence qui y a été faite partout à la nature repousse et dégoûte malgré soi. On peut toujours compter sur Saint-Simon qu'on vient d'entendre pour faire descendre Louis XIV de l'échelle de la gloire. La versaillologie traditionnelle est accoutumée à chanter le triomphe du souverain sur la nature, de même qu'il touche les écrouelles, il fait surgir l'eau vive et les jardins. Le petit duc, évidemment, n'est pas convaincu qu'en matière d'aménagement, l'action du grand roi soit plus juste que dans d'autres. Qu'est-ce que ce domaine sans terre, sans bois, sans eau ? Demande-t-il avec la pointe d'exagération qui fait son charme. Et il constate qu'une fois l'eau venue à grands frais, elle est vite polluée de mille façons. Et que dire des animaux ? On réussit à les rendre nombreux pour la chasse, mais à peine est-on dans un cycle favorable pour le gibier qu'il se retourne illico. Le roi machine, le roi tuyau, fait construire des rigoles et des cadeaux. Le roi chasseur des murs pour retenir le gibier. Il n'empêche, des flux d'eau, d'animaux entrent, sortent, se régénèrent, avec lesquels il faut négocier par arrangement, expérimentation, au gré de difficultés qu'on n'avait pas anticipées. Saint-Simon, qui regardait toujours en arrière, serait content de nous entendre dire, dans notre langage d'aujourd'hui, qu'il ne peut y avoir d'absolutisme environnemental. La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun. Avec Grégory Kellet, bonjour. Bonjour. Alors, vous enseignez l'histoire de l'environnement à l'université de Saint-Quentin. L'université de Saint-Quentin s'est divisée en deux. Les scientifiques, c'est Versailles. La mairie de Versailles trouvait que c'est très bien. Et les littéraires, je ne sais pas si vous êtes du côté des littéraires, c'est à Saint-Quentin, en Yvelines, loin de la bonne ville de Versailles. Oui, c'est ce qu'on raconte, mais sur une période reculée qui était 1991, la création de l'université. Donc on n'a pas de source exacte. Très bien, tandis que vous travaillez sur archives. Qu'est-ce que c'est l'histoire de l'environnement ? Parce que vous avez un poste d'histoire de l'environnement à Saint-Quentin, en Yvelines. Vous dites l'histoire de la nature contient beaucoup d'histoire humaine. Ça, tout le monde en est convaincu, mais l'histoire humaine contient beaucoup d'histoire de la nature. L'histoire de l'environnement, c'est l'idée que la nature n'est pas simplement un tableau, un cadre devant lequel se déroule l'histoire des hommes, mais que cette nature, par sa matérialité, ses forces, ses flux, ses cycles, eh bien, configure les sociétés humaines, le pouvoir. Et à l'inverse, l'homme lui-même a un impact sur cette nature. Donc c'est une histoire de la manière dont on ne peut pas dissocier les deux et dont nous avons cru qu'on pouvait les séparer. Alors, dans un autre coin de la région parisienne, au nord, au Bourget, se tiendra COP21 au mois de novembre-décembre. Qu'est-ce que c'est que cette famille qui ne sait pas compter jusqu'à 20 ? Vous parlez de Louis XIV, de Louis XV, de Louis XVI, et vous comptez jusqu'à 21 dans votre livre « Versailles ». Une histoire naturelle qui vient de paraître aux éditions de La Découverte. Si vous voulez, on revient un instant quand même au 1er septembre 1715. Pierre Schaeffer, dans ses émissions de La Libération, avait fait dire à Pierre Brasseur ce texte. Personne, ces couloirs, des voix, des ombres, une chambrière qui pleure, ces statues. Maréchal de Turenne, le prince de Condé, Racine, Bossuet, Colbert, Louvois, Molière, tous partis avant lui. Monsieur frère du roi est mort, ma femme est morte. Les fils, les petits-fils, les parents, les amis du roi qui sont morts. Le siècle du grand roi, le grand siècle est mort. Et le petit parc est vide, et le grand parc tombé dans l'ombre. Vous insistez beaucoup d'ailleurs sur petit parc et grand parc. Parce que c'est une des clés de ce que j'ai appelé l'invisibilité de Versailles, c'est-à-dire la manière dont aujourd'hui, visitant Versailles, eh bien, il y a toute une partie qu'on ne voit plus, et même que l'on a du mal à imaginer, qui est ce grand parc qui entourait le petit parc, c'est-à-dire le petit parc étant le jardin géométrique, mais aussi cet ensemble d'à peu près 400 hectares qui subsiste aujourd'hui, et qui n'est qu'une toute petite partie de l'étendue de Versailles au temps de Louis XIV. Alors, en 1715, c'est quoi le domaine plus Marly? 11 000 hectares? Voilà, 11 000 hectares. Et à la veille de la Révolution française, si on additionne les domaines qui sont autour comme Rambouillet, on atteint un chiffre colossal qui est quasiment 20 000 hectares. Le domaine de Versailles aujourd'hui, c'est moins de 1 000 hectares? C'est moins de 1 000 hectares, absolument. Oui. Le petit parc et le grand parc étaient séparés? Ils étaient séparés par un mur qui existe encore aujourd'hui, qui était un mur relativement modeste. Enfin, il existe des restes. Des restes, voilà, exactement. Mais il reste quelques portes. Mais la séparation, disons, entre les deux était beaucoup moins importante qu'elle ne l'est aujourd'hui dans l'imaginaire. Et en tout cas, la séparation entre les jardins géométriques et le parc est en grande partie un anachronisme, même si on y insiste toujours. Je cherche des repères familiaux aux contemporains. Enfin, je ne dis pas que la lanterne puisse être un lieu facilement visitable. Il a été arraché par Nicolas Sarkozy à François Fillon. Mais dans le décor de la lanterne c'est dans le Grand Parc. Oui. Le pavillon de la lanterne c'est dans le Grand Parc. Mmh. Qu'est-ce que c'est le décor de la lanterne? Les décors de la lanterne ce sont des têtes de cerf, puisque c'était un lieu occupé par le gouverneur et c'est l'ensemble du domaine des chasses en fait. Ça nous rappelle comment Versailles était un domaine de chasse qui était utilisé avec une très grande fréquence et qui était aussi important que les éléments que l'on voit aujourd'hui lorsqu'on visite le château. Alors on peut commencer, ce sera notre première partie, par Versailles, mais on va évidemment ne pas laisser les animaux dans un rôle passif. Vous êtes professeur d'histoire de l'environnement. Il ne va pas seulement se laisser chasser tranquillement. Le roi Louis XIV, il chassait une fois tous les trois jours? À peu près, il chassait, disons même trois fois par semaine, trois à quatre fois par semaine. Donc c'est absolument considérable. Et c'est plus encore sous Louis XV et sous Louis XVI? C'est un petit peu plus, avec des variations selon les années. Et surtout, ce qui est très important, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est chassé dans le même lieu. Cette chasse quasiment quotidienne a toujours existé. Mais la nouveauté, c'est que lorsque la cour devient sédentaire en 1682, eh bien, il s'agit de chasser au même endroit sans que les animaux s'épuisent. Et le roi Louis XVI a chassé jusqu'à la veille des journées d'octobre, jusqu'au dernier jour. Les allées qui aboutissent au parterre central et plus souvent encore au Grand Canal sont destinées aux vastes chevauchées des chasseurs. À Versailles, l'étang est là pour attendre la bête que rabattent meutes et piqueurs. Nous arrivons au point de ralliement où de nombreux chevaux de selle, tenus en laisse sous les arbres, témoignaient de leur impatience. Les carrosses arrivent dans la forêt avec les gardes. Les groupes d'hommes et de femmes, les meutes, à peine contenues par le fouet des piqueurs, les aboiements des chiens, le trépignement des chevaux, le bruit des cors formaient une scène très animée. La RTF, un petit peu après l'époque de la libération Schaeffer, au début des années 1950. Alors, comment fait-on pour rendre Versailles giboyeux? Parce que avant, vous dites, on va à Chantilly, à Compiègne, dans différents domaines, on alterne. Mais là, il n'y a que Versailles qui soit exploité à ce point. Avant, par le fait de se déplacer, c'était très simple. On revenait une fois par an et la nature se régénérait d'elle-même. À Versailles, il faut inventer une nouvelle gestion. C'est ça la très grande nouveauté. Et c'est là qu'est la perspective de l'histoire environnementale, c'est-à-dire considérer que les animaux ne sont pas simplement qu'il y a bien des animaux, de se demander comment ils se reproduisent, qu'est-ce qu'ils mangent, combien sont-ils. Ce qui était d'ailleurs assez difficile à percer. Et c'est pour cela que j'ai fait l'hypothèse, que je pense qui tient assez la route, de trois phases, en fait, très différentes. Une première phase sous Louis XIV, où le nombre des animaux, finalement, est très important, parce que c'est la disparition du loup, qui crée une cascade trophique, qui modifie... La disparition du loup, moi j'appelle ça l'éradication du loup par le grand dauphin. Oui, c'était quand même quelque chose qu'on lui reprochait, c'était vu comme une sorte de cruauté. Il avait la passion de la chasse au loup, il sortait 70 jours par an, le chasser dans les environs de Versailles, hein, jusque dans les années 1700, ce qui était absolument considérable. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la présence d'un seul loup sur un territoire modifie la manière dont les animaux mangent, se déplacent, cela crée une écologie de la peur. Alors attendez, l'éradication du loup, on est toujours dans la première phase, vous dites que ça déclenche une catastrophe, comment ? Ça déclenche une cascade trophique. Une cascade trophique. Voilà. Mais ça veut dire que ça permet au gibier de se développer plus librement. Absolument. C'est-à-dire que le gibier augmente, en fait, avec une autre cascade trophique qui concerne cette fois-ci les lapins. Et le gibier augmentant, eh bien, il augmente aussi son prélèvement alimentaire. Et donc, il dégrade très rapidement le couvert végétal. Ah, donc un cycle favorable se retourne. Et c'est quoi la deuxième phase ? La deuxième phase, ce sont les années 1720, où le parc est dans un état assez lamentable. Et la thèse traditionnelle, c'était de dire, justement, à petit roi, à roi faible, parc affaibli. En réalité, c'est les effets de cette quête catastrophique. C'est-à-dire que le couvert végétal est totalement dévasté par la multiplication extraordinaire des animaux, qui ont mangé les feuilles, qui ont dévasté les cultures. Et la troisième phase, assez étonnante, c'est celle des années 1740, c'est-à-dire un retour de l'abondance. Et je pense que c'était une des questions les plus intéressantes, c'est comment a-t-on fait pour créer une abondance à partir des années 1740 qui résulte d'une manipulation incessante et absolument fascinante. Alors comment a-t-on fait ? En fait, on a créé une interpénétration, on s'est servi de la présence des hommes. Parce qu'en fait, c'est la présence des hommes, parce qu'ils mettent en culture, et c'est la particularité du parc de Versailles, qui est le seul domaine de chasse, où les deux tiers des terres sont occupées par des cultures, et non pas par des forêts anciennes, d'origine souvent médiévale. Et donc il faut que les hommes soient présents dans le parc, il faut qu'ils cultivent, pour que les animaux eh bien, puissent se nourrir en détruisant les récoltes. Ah, c'est ça le but des cultures des villages enclavés dans le Grand Parc. Voilà, c'est ça, et vous avez prononcé le terme de village enclavé, qui est bien le terme qui était utilisé à l'époque, hein, qui est utilisé lors du débat à la Constituante sur que faire de Versailles et du parc de chasse, c'est-à-dire que eh bien, il y a 4000 hommes qui vivent à l'intérieur du parc, 8 villages, et qui cultivant avec l'obligation de laisser leur culture être détruite par les animaux, permettre leur multiplication. Et alors, quand il y a des difficultés climatiques, que même ces récoltes ne suffisent pas, on va faire l'aumône aux animaux d'un certain nombre de produits des récoltes venus d'ailleurs. Oui, on va aller chercher, on va leur ramener du foin, on va ramener des œufs de fourmis, des œufs de fourmis pour les faisans. Il y a, mais le système technique de l'époque limite le volume, disons, de cet apport de l'extérieur. Sinon, on aurait pu résoudre de cette manière. Les faisans, alors ça, ce sont des animaux, comment dire, un peu artificiels. Ils sont des milliers, enclos. Oui. Il y a 3 faisanderies dans le parc de Versailles, hein, dans le Grand Parc. 2 dans le Grand Parc et 1 dans le Petit. Et la plus grande fait près de 400 hectares. Donc c'est absolument considérable. Et tout ça est surveillé par des gardes-chasse. Vous étudiez les archives de ceux qui assurent la police de l'endroit. Et quand vous parlez de la chasse, vous mettez l'accent sur un personnage extraordinaire. Alors, vous allez dire que c'est un pionnier de l'histoire de l'environnement. Mmh. C'est un certain Charles-Georges Leroy, qui avait un poste important, commandant des gardes-chasse, qui pouvait donc, au milieu du XVIIIe siècle, souvent approcher de très près le roi. Et il croyait à l'intelligence animale. Oui, c'est le premier à avoir défendu l'idée que les animaux apprenaient, que les pies avaient un langage. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'il défend l'idée que les animaux apprennent lorsqu'ils sont en contact des hommes, parce qu'ils se manipulent les uns les autres. Mais les pies, c'est un peu dangereux, ça. Ça peut être considéré comme un nuisible, effectivement, mais... Ça ne l'est pas toujours. Voilà, ça ne l'est pas toujours. C'est comme la chouette, ça dépend. Exactement. La catégorie de nuisible est elle-même une catégorie qui varie selon les périodes historiques. Il y a tout de même un nuisible insoluble, c'est le lapin. Oui, alors le lapin, ça c'est une histoire, c'est assez extraordinaire, puisque Louis XVI a écrit un seul texte de loi, il en était extrêmement fier, bah oui, c'est son édit sur les lapins. Il a dit à son ministre, vous voyez bien que je travaille de mon côté, c'est un texte sur les lapins. Voilà, et on aurait tort de s'en moquer, parce qu'en fait c'est un texte en réalité extrêmement sérieux et très complexe, c'est comment faire pour éliminer les lapins, alors même que leur multiplication est due à l'éradication des nuisibles, que sont les furets, les belettes, pour protéger les faisans. Tandis que le faisan, lui, est le bienvenu, mais aussi des animaux assez artificialisés aussi quand ils pénètrent dans la cour, telle la vache qu'on voit ici surgir dans une leçon de danse et de musique. Oh non ! Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Bon, reprenons. Oh, mon Dieu ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Nos princesses ont besoin de lait frais. Il est donc naturel qu'ils soient livrés à domicile. trouvé sur l'herbette une bergère zelette. C'est un grand bien, c'est un grand mal. Trouvé sur l'herbette une bergère zelette. C'est un grand bien, c'est un grand mal. C'est un grand bien quand elle est tendre et belle. Mais si par un destin fatal elle est cruelle, c'est un grand mal. C'est un grand bien quand elle est tendre et belle. Mais si par un destin fatal elle est cruelle, c'est un grand mal. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Herbette, vous avez bien entendu le mot Herbette à Galipette et les frais. Nous sommes à Versailles en ce 1er septembre, anniversaire de la mort de Louis XIV, avec Grégory Kennett qui a tenté à la découverte une histoire de Versailles au naturel. On parlait de la chasse, je voudrais qu'on parle, c'est une question bien documentée, mieux peut-être que celle de la chasse des eaux. Le duc de Saint-Simon, il aurait dû être content parce que Versailles, c'est sur le chemin de son fief, la Ferté-Vidame. Ben non, il n'aime pas Versailles. Il dit, il n'y a même pas d'eau. Ce qui est tout à fait vrai, puisque Versailles est la première concentration humaine de cette importance-là dans un lieu qui ne possède ni rivière ni fleuve d'important, juste un tout petit rue, le rue de Galie. Mais l'anachronisme serait de considérer, comme la légende en a été établie assez tôt, que finalement Louis XIV aurait manifesté sa grandeur en choisissant un lieu qui n'avait que des désavantages. En réalité, rien n'a été planifié, rien n'a été pensé. Et les problèmes sont apparus au fur et à mesure. Donc le manque d'eau, et Saint-Simon avait tout à fait raison, n'est apparu que progressivement. Enfin, quand vous parlez de manque d'eau, Versailles est pauvre en eau courante, mais très riche en eau stagnante. Oui, parce qu'il y a des couches d'argile qui retiennent l'eau. Donc le grand parc est assez humide. Et puis les eaux, il y a aussi les eaux que l'on rejette. Versailles, il faut imaginer la population, c'est 4000 personnes qui vivent à la cour. Versailles est pleine d'eau sale et puante. Hein, c'est aussi une chose qu'on a perdue de Versailles, c'est son odeur épouvantable. Mais il faut relire le duc de Saint-Simon, là aussi. Et donc on n'a pas planifié ça, on n'a pas envisagé ça, on n'a pas pensé que l'eau, ça retiendrait peut-être 40% du budget du domaine, c'est ce que soutient Joël Cornat. C'est comme la barque de Pierre par le pape, on a navigué à coups de gaffe. D'aménagement. Oui, parce que dans cet assemblage entre les hommes et la nature, finalement, la nature réagissant, ayant sa part d'action, les problèmes apparaissent au fur et à mesure, sans avoir été identifiés au préalable. Et au départ, quand on s'est posé la question de l'eau, on s'est posé la question de la pureté des eaux. Et les fontaines étaient de relativement bonne qualité, il y avait des sources de bonne qualité. Et donc la situation n'était pas défavorable. Oui, enfin, vous minimisez quand même, Grégory Kennett, le rôle du roi tuyau, le rôle du roi machine, l'observation du terrain, et ensuite sa mathématisation pour son aménagement. Oui, puisque le problème des eaux de Versailles a été résolu par la gravitation, c'est-à-dire construire autour du château un gigantesque réseau de 150 km de canaux qui s'appellent les rigoles, hein, qui sont des choses pas très impressionnantes dans le paysage, mais ce réseau considérable est finalement drainant l'ensemble des eaux de pluie avec un réseau d'étangs artificiels. La nouveauté, cette question est relativement bien connue d'un point de vue technique. La nouveauté, c'est une question très simple, c'est de se demander comment cet espace technique, eh bien, se superpose-t-il à l'espace social, à la vie des hommes. Tenez, je vais vous faire écouter un reportage réalisé ici par Jacques Segal, l'homme qui est de l'autre côté de la vitre. Vous voyez, il a pénétré dans le sous-sol de Versailles. Mmh. Il est allé en profondeur avec son camarade Pierre Ganze. Mmh. Alors, ils ont soulevé une lourde porte et les voici qui progressent en compagnie d'un fontainier, Georges Tessandier. C'était au temps où Jacques Segal était svelte, il y a une vingtaine d'années. Nous sommes dans une petite descente derrière le bassin du combat des animaux. Le sol est sablonneux, il y a hauteur d'homme dans ce souterrain, sur le sol duquel court une conduite. Je suppose que c'est une conduite ancienne. Dès que je pourrai me retourner, je poserai la question à Georges Tissandier, qui est derrière moi, parce qu'on marche à la queue leu-leu ici. C'est une galerie d'époque, ça. Vous pouvez constater, en faisant balader votre lampe, que ces galeries sont parfaitement sèches. Attends. Il n'y a pas de condensation, et donc c'était déjà techniquement une réussite. Hein. Il y a combien de kilomètres de tuyaux comme ça sous terre ici? Globalement, je pense que sur Versailles, il y a environ une trentaine de kilomètres. En galerie, comme ça? En galerie, dans le domaine intramuros de Versailles. C'est un dédale de galerie où il est très facile de se perdre et où il faut vraiment identifier les canalisations avant de savoir et d'intervenir, surtout. Georges Tissandy me fait signe, il veut absolument que je monte à une échelle. Voilà. Et je vais faire une découverte, m'attendez. Et je découvre, alors là, c'est absolument extraordinaire. C'est un tunnel voûté. Absolument étonnant en maçonnerie. Là, vous êtes dans le réservoir sud, le réservoir sous terre sud, qui s'appelle un réservoir cathédrale. Et c'est ce qui explique ces voûtes, vous voyez. Et ça a été fabriqué en 1672, sous l'autorité de l'ingénieur Francine, ingénieur florentin. Le réservoir sous terre nord est identique à celui-ci. Dans le faisceau de la lampe, je vois le reflet des voûtes dans l'eau. C'est totalement féerique. Un endroit magique, ici, à Versailles, découvert grâce aux fontaniers. Alors vous n'êtes pas allé, vous, comme Pierre Gans, accompagné de Jacques Sigal, jusque dans ces 32 kilomètres de galeries souterraines? Non, parce que je me suis intéressé à ce qui était encore plus important, c'était le réseau qui était à fleur d'eau, en fait. Oui, mais les deux sont surveillés. Vous insistez beaucoup, on parlait tout à l'heure des gardes-chasse, sur la police des eaux. On volait du matériau. On volait des tuyaux. On aurait pu peut-être voler en profondeur aussi. On volait des tuyaux, on volait des raccords, on volait même des morceaux de toit quand on pouvait le faire. Parce que Versailles était plein de conflits environnementaux. Parce que justement, cette partie souterraine n'est qu'une toute petite partie. Imaginez, ici nous sommes à la maison de la radio, imaginez que les flux de matière, d'eau, d'électricité de Paris qui nous entourent soient tous visibles et soient même sur la même hauteur que les piétons. On verrait, c'est Versailles au temps de Louis XV. Oui, alors, Louis XIV, pardon. Le roi Louis XIV ou Louis XV règne sur les flux qui entrent, prétend les régler. Mais les flux qui sortent. Et les flux qui sortent se régénèrent. Les flux qui sortent, c'est plus complexe, puisque les rivières et les fleuves, en fait, ont pour fonction aussi d'éliminer toutes les ordures. Et Versailles, justement, n'a pas cela. Donc on rejette directement dans des pièces d'eau, hein, d'où le fameux étang de Clagny, hein, qui on est obligé de combler, qui est juste à côté de l'actuelle place d'armes d'aujourd'hui. Et qui devient complètement nauséabond. Absolument. La pièce d'eau des Suisses était absolument nauséabonde aussi. C'est-à-dire que le roi n'arrivait pas à contrôler, par exemple, les égouts de la ville et les déchets de la ville? Alors, sur la ville, la situation est peut-être un petit peu plus favorable. Parce que tout ça coïncidait aussi. Oui, mais c'était une ville nouvelle. Donc, étant une ville nouvelle, on a pu construire, en fait, en quelque sorte, les canalisations en même temps que la ville, mais ça se heurtait un certain nombre d'usages, puisqu'en fait, les usages n'étaient pas respectés. Par exemple, chaque maison avait sa, comment dire, une fosse dans laquelle les détritus allaient, et il fallait la faire vidanger, et pour économiser, pour ne pas payer, les Versaillais ne me vidangeaient pas forcément comme il fallait ou laissaient couler directement dans la rue. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du commandant des gardes-chasse, un peu en symétrie, puisqu'on parle des eaux, là. Un autre personnage qui est important dans votre livre, Versailles, une histoire au naturel, Gravois, qui est le maître des eaux, alors lui. Qui était inspecteur des eaux. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que la manipulation de cet écosystème conduit à créer une police qui est absolument omniprésente, extrêmement étendue pour les animaux comme pour les eaux. Et le problème de Gravois, c'est qu'étant à la tête de ce réseau de tuyaux de 150 kilomètres, hein, qui va jusque qui couvre tout le plateau de Saclay, eh bien, il a des fuites tout le temps. Ça fuite partout. Donc ce sont des problèmes incessants. Donc il fait des plans, qu'il refait des plans, il fait un atlas. C'est sans fin. Donc vous prouvez que l'absolutisme environnemental n'est pas possible. En revanche, la répression existe. Et on rigole pas, hein, quand on a été piqué à voler des matériaux. C'est quoi le fouet? Ça peut être marqué à la fleur de lys, avec une fleur de lys marquée au feu rouge à fleur de lys. Menace de peine de galère contre certains, de déportation aussi pour les cas les plus extrêmes. Mais c'est la pédagogie punitive de l'État français dit absolutiste, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire un exemple très frappant et de fermer les yeux sur le reste. Oui, enfin, vous êtes très méchant là avec la monarchie absolue, parce que l'éradication du loup, par exemple, chapitre animaux, ou bien l'éradication de tout le gibier, c'est grâce à la République, et au lendemain de la Révolution, et sous la Troisième République. Oui, Parce qu'en fait, l'absolutisme était beaucoup plus grand en matière environnementale de ce point de vue pendant la. Alors de ce point de vue qui est plus complexe. La République. Absolument, parce que l'absolutisme a une sorte de pacte social qui est différent du côté de la République. Allez, pour marquer en contrepoint de vos propos un petit peu de versaillologie classique, on finit si vous le voulez bien, parce qu'on n'a pas parlé de l'arbre avec Alain Baraton, qu'on connaît bien, sur France Inter. Je voulais surtout vous montrer l'arbre le moins connu de Versailles, mais celui qui a ma préférence, et en plus, c'est le plus vieil arbre de Versailles. La datation officielle de cet arbre prétend qu'il a germé en 1681, mais il y a un pourcentage d'erreur de 3%. Alors vous voyez, c'est pratiquement rien. Donc cet arbre a connu le nôtre, qui est mort en 1700, il a connu Louis XIV, mort en 1715, il a connu l'arrivée de Louis XVI au pouvoir en 1774, il a connu Charles de Gaulle quand il est venu au Grand Trianon pour ses appartements privés en 1963. Cet arbre est le témoin direct de 4 siècles d'histoire de France, de la grande histoire. Quand cet arbre a été planté à Versailles, quels étaient les autres arbres? C'était les arbres de forêt. Il y avait des tilleuls, il y avait bien sûr des marronniers, bien qu'à l'époque ils étaient très rares, mais il ne connaissait pas encore d'arbres venant de l'étranger. Et il a vu arriver un arbre qu'il ne connaissait pas, un vieux sophora du Japon, originaire de Chine, mais il est appelé sophora du Japon. Et il a vu ce sophora lui germer 1 siècle plus tard, en 1770. N'oubliez pas que l'arbre, c'est pas seulement un monument de bois et de sève, c'est aussi le temps qui passe, et il faut beaucoup de patience, mais tous nos jeunes arbres deviendront grands, j'en suis sûr. Oui, le temps qui passe, vous, qui êtes un pionnier, Renaud Kennett, de la grande histoire que sera l'histoire de l'environnement, c'est une beaucoup plus longue durée que vous considérez. L'histoire de l'environnement a eu un de ses premiers mérites, ça a été de desserrer justement la chronologie. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ça suscite peut-être une certaine méfiance de la part de certains collègues aujourd'hui, vu comme une sorte de retour de la longue durée qui se ferait au détriment des acteurs humains. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette perspective-là, puisqu'au contraire, l'histoire de l'environnement, c'est réintroduire de manière centrale les rapports de force, repolitiser la nature, l'idée qu'entre les hommes et la nature, il n'y a pas une sorte d'équilibre et d'intemporalité, mais au contraire, il y a différentes temporalités, des impacts, et que l'un et l'autre se configurent, en fait, en quelque sorte, se manipulent. L'imbrication extrême des hommes et de la nature. Merci à vous, Grégory Kennett. On retrouvera toutes ces problématiques au long de cet automne, avant COP21. Mais aujourd'hui, nous parlions de 1715, de Louis XIV, de Louis XV et de Louis XVI à Versailles. L'émission a été réalisée, je l'ai dit, par Jacques Sigal, Ilinka Negulesco, Frédéric Martin, Franck Olivard dans l'équipe de la Marche de l'Histoire, et à la technique, Mathias Alléon.